Paquita, par Hector de la Ferrière. Je sais une femme qui n'est dû sa ruine qu'à une petite erreur. En France et de nos jours, elle croyait encore à l'amour et à la religion. Pauvre femme, qui aurait dû naître, non dans notre siècle d'égoïsme, mais au temps de ces bons chevaliers, quand l'écharpe donnée par la dame était bénie devant l'autel, quand l'amour était la dévotion du cœur, que l'on tenait ses serments, et qu'il n'y avait encore ni chambre de députés, ni bateau à vapeur, ni banquier. Voulez-vous savoir ce qui advint à l'infortuné? L'histoire m'a été racontée par un de mes amis un jour d'émeute, je vais vous la redire. Aujourd'hui, dans tous les romans, dans tous les drames, dans toutes les conversations, on a une soif incroyable de champagne, et l'orgie en littérature comme au théâtre se reproduit sous toutes les formes. Vous la voyez à la porte Saint-Martin, vous la retrouvez dans la peau de chagrin, et vous la retrouvez encore dans le divorce du bibliophile Jacob. Quelques jeunes gens, la tête montée par la lecture de nos romans du jour, essayèrent de mettre en pratique toutes ces théories éparses dans les livres, et de cet assemblage bizarre des ivresses connues et imprimées, il sortit quelque chose qui avait une tournure assez poétique. Cette orgie, improvisée dans l'appartement de l'un d'eux, eut son moment brillant. Et nos rouilles en gilet blanc et en cravate noire ne manquaient pas d'une certaine aisance en faisant mousser le champagne à plein bord. Sur la fin de la soirée, dans ces instants de calme qui précèdent la tempête, et entre l'histoire de deux bonnes fortunes d'un clerc de notaire en lunettes, un des convives, je ne le nommerai que sous son initiale, monsieur le vicomte de F, dans une ardeur toute conquérante, voulant écraser d'un seul mot toutes les aventures vraies ou fausses des convives, proposa de parier 1000 louis qu'il séduirait telle femme qu'on lui désignerait, demandant 2 mois pour son entreprise et promettant les lettres de la dame comme preuve irrécusable de sa conquête. Tous les convives protestèrent du contraire. Le pari fut accepté, tenu, rédigé, et 20 signatures que l'ivresse faisait dévier en tous sens couvrirent ce singulier contrat qui mettait à prix l'honneur d'une femme comme on met au bois le galop d'un cheval. Ce fut la femme d'un vieux médecin, connu par sa beauté, qui fut jugée digne des attentions du noble vicomte de F. Un tel choix faisait honneur au bon goût de ces messieurs, mais vraiment elle méritait mieux. Elle n'était pas française. Amenée d'Espagne par sa mère à l'âge de 16 ans, elle avait été mariée très jeune au docteur M, qui était bien le plus excellent des hommes et le meilleur des époux. Plus que tout autre, il possédait cet esprit qui reverdit même le cœur d'un vieillard. Aussi son enjouement, son caractère facile, faisait-il oublier ses cheveux blancs. Avec toute la tendresse d'un père, il avait pour sa jeune épouse les soins les plus doux, les attentions les plus délicates, et si l'on appelle bonheur le repos de l'âme et l'uniformité paisible de la vie, Paquita devait être la plus heureuse des femmes. Auprès d'elle, un mari si bon et un enfant au doux sourire, aux tendres caresses. Et puis elle était si pieuse, elle. Élevée en Espagne au milieu des pompes de l'église, élevée avec des jeunes filles qui allaient s'agenouiller devant la Madone avant de commencer les danses du soir, elle se rappelait encore ses pures émotions de l'enfance et sa religion s'était empreinte de toute cette poésie. Elle aimait l'église, silencieuse aux 1000 colonnades, les sons mourants de l'orgue au salut, quand la nef est presque déserte et que l'ombre déjà s'avance sur les piliers. Elle aimait les nuages de l'encens, la lampe veillant au pied de l'autel de la Vierge. Ah, c'était une de ces femmes comme on voudrait en avoir une pour compagne, une de ces femmes dont on rêve le doux sourire, le tendre regard. Eh bien, une telle conquête, pour laquelle on aurait donné bien de son sang, qui aura fait le bonheur d'une vie d'homme tout entière, le vicomte de F la contempla froidement. Devenir amoureux, lui, fi donc. Il eut perdu de ses avantages et compromis sa réputation. Le lendemain de l'orgie, tout harassé encore des fatigues de la nuit, il fit appeler l'intendant secret de ses plaisirs, et au bout de quelques heures, cet éclaireur à gages revint en véritable frontin de comédie avec un plan d'attaque médité sur les lieux mêmes. Mais il fallait aller à l'église. Notre séducteur bâilla bien fort. « Si j'avais su cela, dit-il, j'aurais parié 100 louis de plus. Aller à l'église et faire la cour à une femme de moi pour 1000 louis. D'honneur, cela est à rien. » Et après quelques plaisanteries, il s'enveloppa de son manteau et alla droit à l'église Saint-Eustache. Lorsqu'il entra, c'était un de ces instants où la sombre nef protège de tout son silence et de tout son calme la méditation de ceux qu'elle aime. À peine voyait-on de loin en loin quelques fidèles, et dans leur recueillement, il y avait quelque chose de solennel. C'était un spectacle qu'il ne pouvait comprendre. À peine jeta-t-il un regard sous ces voûtes silencieuses. Ce n'était pas pour Dieu qu'il venait ici. C'est une femme qu'il cherchait, et ne s'arrêta que devant elle. Pensive et recueillie, elle était à genoux devant son prie-Dieu. À la voir ainsi immobile, on eût dit une madone, tant il y avait de candeur sur tout son visage. Il la fixa quelque temps, caché qu'il était par un pilier massif. Puis, se dérobant tout entier sous les plis de son manteau, il alla s'agenouiller près d'elle et sembla s'abîmer dans sa méditation. La prière d'un homme a quelque chose de singulièrement grave et d'austère, quelque chose qui frappe l'imagination. En rentrant chez elle, la jeune Espagnole ne put s'empêcher de penser à l'étranger qu'elle avait vu méditer près d'elle avec tant de ferveur, et cela sans doute par un simple sentiment de curiosité. C'était déjà beaucoup que, dès la première fois, d'avoir su fixer ainsi l'attention. Le lendemain, elle revint dans l'église occuper sa place accoutumée. L'inconnu l'y avait devancé, agenouillé comme la veille, et dans le même recueillement. Et il priait sans doute. Ce jour-là, les yeux de Paquita se portèrent plus d'une fois sur le côté de la nef où se tenait cet homme, que semblait envelopper un étrange mystère. Quelques jours se passèrent et toujours elle retrouva l'église aussi impénétrable que la première fois. Il y avait là de quoi exercer une imagination aussi vive que celle de la jeune Espagnole. Elle-même s'étonnait du changement survenu en elle. Cette église, elle l'aimait toujours comme avant. Mais ses regards étaient plus distraits, sa prière moins suivie. Des pensées inconnues troublaient son cœur. Elle, si pensive, elle aimait avoir un homme dont la piété semblait sympathiser avec la sienne. Elle le pensait du moins, fascinée qu'elle était par l'étrange vision toujours placée en face d'elle. Rentrée chez son époux, cette image la poursuivait. Elle y pensait longtemps. Les soirées, si courtes jadis, lui paraissaient longues. La nuit encore, elle revoyait en rêve l'église sombre, elle à genoux, et devant elle le bel étranger, car il était beau. La veille, en sortant de l'église, son manteau s'était écarté, et elle avait pu apercevoir son visage à la dérobée. Mais jusqu'alors, ce n'était que sur l'imagination romanesque de Paquita que le séducteur avait travaillé. Et s'il avait captivé ses regards, il ne le devait qu'à l'étrangeté de sa dévotion. Il fallait maintenant agir sur le cœur, il fallait qu'elle sût que s'il venait à l'église, il n'y venait que pour elle. Et elle ne put longtemps en douter. Les regards de l'étranger s'attachaient sur elle fixés et pleins de feu, et il faisait baisser les siens. Effrayée d'abord, elle renonça à l'église, et pendant plusieurs jours, elle persista dans cette résolution. Mais qui pourra jamais expliquer tous les mystères que recèle un cœur de femme? Une semaine passée, elle en était déjà se persuadée à elle-même que c'était une erreur, et qu'elle avait mal compris les regards de l'étranger. Il était si bizarre. Au milieu de ses incertitudes, tourmentée et par une conscience qui lui disait qu'elle faisait mal et par une idée fixe qui l'obsédait, elle revint à l'église, mais tremblante et agitée. « Décidément, ce cavalier ne pense pas à moi, » se dit-elle en rentrant. « J'étais folle. » Il y avait quelque chose de piqué dans le son de sa voix et elle froissait la dentelle de sa pèlerine. C'est qu'il avait bien compris cette femme, lui, et qu'il ne retardait le moment de l'attaque que pour mieux assurer la victoire. L'insensé. Elle méprisa la voix toujours vraie des pressentiments. Elle revint à l'église et elle y retourna pour sa damnation. Elle y revint pure et s'en retourna presque criminelle. Car, soit hasard, soit piège, soit rapprochement, il avait parlé, et parlé d'amour. De là, la chute, il n'y avait plus qu'un pas. Malheureuse! Elle n'avait pas une amie pour la défendre contre ses paroles empoisonnées, pour lui révéler la perfidie du langage qui l'avait séduite, elle, faible innocente, et qui se laissait aller sur le penchant de l'abîme avec la confiance d'un enfant. Et le poison qui devait la tuer se faisait jour jusqu'à elle. Et si ce n'était pas assez des paroles, des lettres délirantes venaient la chercher jusque dans la chambre nuptiale et troublaient son sommeil. Et c'était une tentation de tous les jours, de toutes les nuits. Ah, elle était séduite, qu'elle l'ignorait encore elle-même. Le vicomte de F n'avait plus qu'à vouloir. Cette femme était à lui cœur et âme. C'était le serpent tenant sa victime enlacée. Mais il lui fallait une séduction complète, un amour que sa violence fit éclater de lui-même. Il eut tout. Recevoir les premiers baisers de cette femme, développer dans son âme de douces émotions, vivre de son parfum, de sa vie, refléter dans ses yeux toute son image. Ah, il ne le méritait pas, lui, qui n'était arrivé que par un froid calcul et qui avait mis à prix ses larmes et ses remords. Mais peut-être se repentira-t-il de son haute marché. Il l'a eu par le piège. Maintenant, il n'osera la trahir, la vendre. Il aura pitié de ses larmes. Il se souviendra de ses caresses brûlantes. Il se rappellera qu'elle s'est livrée à lui confiante, ingénue, heureuse de son amour. Si ce n'est la passion, les sens parleront du moins. Vous connaissez bien mal le cœur d'un roué. Dans cette âme, il n'y avait que de la glace et de la vanité. C'était un beau succès auquel il ne manquait que le scandale. C'est par là qu'il voulait en finir. Il avait promis des preuves de la séduction, et pour les obtenir, à toutes les lettres, il exigea des réponses. Quelle éloquence il y avait dans ces lettres, quelle poésie. Point d'art ni de recherche. L'expression neuve et expansive, la passion dans tout son délire, dans toute sa naïveté, c'était à rendre fou d'amour, ivre de volupté. Lui les considéra comme un nouveau moyen de succès, et quelques jours après, elles étaient lues dans un déjeuner d'amis en présence des témoins du Paris. On déjeunait aux dépens de l'honneur d'une femme, c'était sa réputation perdue qui faisait les frais du repas. Vous devez penser que les convives étaient joyeux. Que de sensations passent dans le cœur d'une femme lorsque, dans toute l'extase de la passion, elle attend celui qui est devenu tout pour elle. Ainsi, tu étais pauvre, Paquita, rêvant d'amour, et dans un de ces négligés qui t'allaient si bien. Inquiète, tu l'attendais, le cherchant des yeux, dévorant l'espace, et il ne venait pas. 3 heures, et pas encore. Il devait venir 6 matins, et les heures passaient vite, et pas encore. Enfin, c'est une lettre de lui, une lettre. Il est peut-être malade, blessé, elle pâlit. Elle hésite à rompre le cachet. Un pressentiment affreux l'agite, elle l'ouvre. Mais ce n'était qu'une enveloppe. Un papier tombe sur le tapis, elle le ramasse avec précipitation et lit. Léon de F, père à 1000 louis à messieurs, si, d'ici à 2 mois, il n'a pas séduit Madame M, on l'avait estimé 1000 louis. Savez-vous ce que c'est que de perdre en un instant toutes ses espérances, que de voir s'évanouir ses illusions les plus chères, pour du suprême bonheur retomber dans le néant? Savez-vous ce que peut causer une pareille douleur? Ah, c'est le joueur qui perd sur la dernière carte sa fortune, son honneur. L'existence d'une femme, celle de ses enfants. C'est une malédiction de père qui s'appesantit sur vous. C'est la mort ou la folie. Et pour un cœur de femme, pauvre Paquita, elle tomba raide et froide. Au cri de sa fille qui appelait du secours, son époux accourut et il la releva. Mais le vieillard qui était devant elle, dans l'abattement et le désespoir, elle ne le reconnut pas. « Léon » s'écria-t-elle. « Où est Léon ?» Et de la main, elle écartait son époux, comme s'il lui dérobait la vue de celui qu'elle appelait. « Léon !» Ce mot dit avec toute la rage de la passion entra profondément au cœur du vieillard. Immobile et muet, il resta devant sa femme attendant son arrêt. Un seul mot avait anéanti pour lui tout un passé, toute une vie. Si elle l'eût vue ainsi, elle serait tombée morte, tant il y avait de menaces et de désespoir sur ses traits flétris par la honte. Mais elle se délirait, et elle ne cacha rien. Et il se vit infâme, et ses cheveux blancs se dressèrent de fureur, et il voulut maudire et ne le put. Elle était folle, et riait devant lui, sombre et terrible, et toujours, elle appelait Léon. Chaque parole faisait entrer la honte jusqu'au fond du cœur du malheureux époux. Il ne put y tenir. Il quitta ce logis où tout l'accablait, laissant derrière lui l'adultère, et, mourant, il alla frapper la porte d'un ami. 2 jours après, il était mort, ses yeux fermés par une main étrangère. C'était une des belles soirées du boulevard italien. Femmes élégantes, fashionables en lorgnon, double rangée de chaises, double haie de promeneurs, rien n'y manquait. Mais il n'y avait encore plus de foule à Tortoni. On s'y arrachait les chaises et les glaces. C'était un véritable pillage de rafraîchissement. Dans un petit salon de droite, quelques-uns de nos oisifs à la mode devisaient joyeusement devant un bol de punch à la flamme bleue et enchanteresse. Aussi, cette vue avait-elle une heureuse influence sur les convives. Ils étaient vraiment, ce soir-là, incroyables d'esprit et de gaieté. « Léon, dit un jeune homme à moustache, je te propose une santé à tes amours avec la belle Paquita. »« Soit, dit Léon. À une table voisine était assis un étranger qu'il n'avait pas remarqué d'abord et qui, depuis quelques instants, semblait prendre le plus grand intérêt à leur conversation. Ses yeux fixés sur eux annonçaient une émotion toujours croissante. Au moment où Léon porta le verre à ses lèvres, il s'élança brusquement, lui arrêtant le bras. « Vous osez porter une pareille santé ? » dit-il d'une voix sombre. « Eh bien moi, je vous en propose une seconde, à la mort du lâche qui l'a séduite. » Tous les regards alors se portèrent sur lui. C'était un homme au teint fortement basané, à l'épaisse chevelure, ses yeux noirs lançaient des éclairs. La provocation avait été sanglante. Un duel fut arrangé, et l'étranger changea sa carte avec celle du Léon de F. Un des convives lut le nom de Valdès. « Il paraît, dit le même jeune homme à moustache, que tu as affaire à un Espagnol, sans doute quelques réfugiés. » Elle aussi était espagnole. Il y pensait en ce moment et son front trahissait la contrainte. Il ne tarda pas à quitter ses amis en leur promettant un déjeuner à Tortoni après le duel. En descendant les marches qui mènent au boulevard, son pied glissa et il se heurta avec violence contre la balustrade. Il n'était pas ivre cependant. Le rendez-vous était au bois de Vincennes. Les deux adversaires s'y trouvèrent avec leurs témoins. Léon était le meilleur tireur de chez Lepage, un de ceux qui, à Tivoli, enlevait avec le plus de grâce un bouton de rose. Il proposa 20 pas pour distance. « À quoi bon ? » dit l'Espagnol. « Que ces messieurs chargent un pistolet, il suffit d'une balle et que le sort décide. »« Monsieur, Léon n'est pas homme à refuser, » dit son témoin d'un air fier, et lui les laissa faire plus pâle qu'un mort. On jeta les deux armes dans un mouchoir. Quel jeu ! La vie ou la mort dans les mains du hasard. Le hasard, ce juge inexorable, sourd à toutes les prières. Léon hésita. Il prit son pistolet d'une main tremblante. L'Espagnol prit le sien avec calme et assurance. Tout était dit. Ils en avaient retiré tous deux, ou leur vie, ou leur mort. Ils s'appuyèrent les deux canons sur la poitrine. Allons ! Le jugement de Dieu. L'œil de Léon était terne, ses lèvres agitées d'un mouvement convulsif. Il frémissait de tout le corps. Depuis les pieds jusqu'à la pointe des cheveux. « Pauvre Paquita !» dit l'Espagnol. « Quel séducteur !» Et dans ses yeux, il n'y avait que de l'ironie et du dégoût. Léon tomba, le sein gauche percé d'une balle. L'Espagnol jeta un regard de dédain sur son ennemi à terre, puis il s'éloigna, laissant un cadavre à l'autre témoin. Paquita était vengée. Hector de la Ferrière.